Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Naf, dans le rôle de Jem Tremin, et Christian Martin à la narration. Prologue, première partie. En 2343, les Gris envahirent la colonie terrienne de Cristobal. La dehors, c'est un véritable carnage. On n'a plus le choix, Sal. Il faut fuir. Les rares survivants de l'attaque, des scientifiques pour la plupart, montèrent à bord du vaisseau spatial expérimental sur lequel ils travaillaient et décollèrent. Et parvinrent à plonger dans l'hyperespace avant que les chasseurs gris ne les rattrapent. Les rescapés de Cristobal mirent le cap vers Atoussa, un système solaire limitrophe, loin des routes commerciales habituelles. Un an plus tard, ils atterrissaient sur la quatrième des 14 planètes du système, Alpa. Le choix de leur destination avait été pesé soigneusement. Alpa était une planète de neige et de glace, aux tempêtes redoutables et fréquentes, et au relief escarpé. Vouloir s'y installer pour y commencer une nouvelle vie semblait de la folie, sauf lorsqu'on savait, comme les survivants de Cristobal, que les Gris redoutaient le froid. Les nouveaux Alpans espéraient donc s'être mis hors de portée des Gris.